Le comité mexicain d'études de Kim Il-sung et Xi Jinping-Jinglism a inséré le 4 janvier dans son bulletin le test intégral du message de nouvel an du respecté dirigeant suprême Kim Jong-un.